Le chef d'établissement vous informe de la fin du confinement suite au plan particulier de mise en sûreté. Veuillez rejoindre vos salles de classe.